بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Alif, Lam, Mim. تلك آيات الكتاب الحكيم. Ce sont là les versets du livre éminemment structurés. هدى ورحمة للمحسنين. Juste direction, هدى, et miséricorde pour les bienfaiteurs. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat, et qui croient avec certitude à la vie future. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ceux-là sont sur la voie de leur Seigneur, et ceux-là sont ceux qui ont réussi. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Il est parmi les hommes ceux qui acquièrent le plus divertissant des discours, par lesquels ils égarent sans science aucune leurs semblables du chemin d'Allah, chemin qu'ils tournent en dérision. Ceux-là seront soumis à un supplice humiliant. Lorsque nos versets lui sont récités, le mécréant se détourne plein de dédain, tout comme s'il ne les avait pas entendus ou qu'il était dur d'oreille. Annonce-lui donc un supplice très douloureux. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres auront comme récompense les jardins des délices. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. Où ils séjourneront pour l'éternité. Telle est véritablement la promesse d'Allah, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Il a créé les cieux sans aucune colonne que vous puissiez voir. Il a implanté des montagnes dans la terre pour qu'elles ne meuvent pas sous vos pieds. Et il y a disséminé des bêtes de toutes espèces. Et du ciel, nous avons fait descendre une eau pour y faire pousser toutes sortes de plantes en couples généreux. Telle est la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'on crée et ce que vous adorez en dehors de lui. Or, les injustes sont dans un égarement manifeste. يشكر وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Nous avons certes donné à Lokman la sagesse, en lui enjoignant « Rends grâce à Allah, car celui qui lui rend grâce le fait pour lui-même. » Quant à l'ingrat qui méconnaît les bienfaits d'Allah, il doit savoir qu'Allah se passe de toute gratitude et qu'il est digne de toute louange. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Évoque Lokman lorsqu'il dit à son fils qu'il moralisait « Mon fils, ne prête pas d'associer à Allah, car l'associatrie est une énorme injustice. » وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Nous avons recommandé à l'homme de bien traiter ses deux parents. Sa mère l'a porté en endurant épuisement après épuisement, et son sevrage n'a lieu qu'au bout de 2 ans. Rends-moi donc grâce, ainsi qu'à tes 2 parents. C'est vers moi qu'est le devenir. فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Mais s'ils essayent de te contraindre à m'associer ce dont tu n'as nulle science, ne leur obéis point. Sois-leur cependant un compagnon de toute bonté en ce bas-monde, et suis le chemin de celui qui revient repentant vers moi, car c'est vers moi que sera votre retour, et je vous informerai alors de ce que vous faisiez. « Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah. » فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. Mon fils, dit encore Lokman, la moindre action fut-elle du poids d'un grain de moutarde enfoui dans quelque rocher, dans les cieux ou sur terre, Allah l'exposera au jour de la résurrection. Allah est subtil et parfaitement informé. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Mon fils, accomplis la salat. Enjoins ce qui est convenable et interdis ce qui est condamnable. Prends ton mal en patience. Voilà bien la résolution à prendre. Ne détourne pas ton visage avec dédain devant les autres et ne te pavane pas sur terre avec suffisance. Allah n'aime pas tout vaniteux imbu de lui-même. وَقُصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Sois sans prétention dans ta démarche. Baisse ta voix, car la plus exécrable des voix est bien celle des ânes. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ Ne voyez-vous donc pas qu'Allah a mis à votre service ce qui est dans les cieux et sur terre, et qu'il répand sur vous ses bienfaits patents et latents. Il est des hommes qui disputent au sujet d'Allah sans aucune science, ni juste direction, ni livre pour les éclairer. Quand il leur est dit « Suivez donc ce qu'Allah a fait descendre en révélation », ils répliquent « Nous suivrons plutôt ce que nous avons trouvé chez nos ancêtres. » Et cela, même si Satan les appelait au supplice de la fournaise. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ Celui qui se soumet entièrement à Allah, en s'employant à faire le bien, aura fermement saisi l'anse la plus solide. C'est à Allah que revient l'issue de toute chose. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور Que la mécréance de ceux qui ont mécru ne t'afflige point. C'est vers nous que sera leur retour, et nous les informerons alors de ce qu'ils auront fait. Allah sait parfaitement ce qu'il y a tout au fond des cœurs. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ Nous les faisons jouir des biens de ce monde pour quelque temps, puis nous les astreindrons à un supplice terrifiant. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Si tu leur demandais « Qui a créé les cieux et la terre ?» ils répondraient certainement « Allah ». Dis « Louange donc à Allah ». Or, la plupart d'entre eux n'en savent rien. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur terre. Allah est celui qui se passe de toutes choses, et il est digne de toute louange. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Même si tous les arbres de la terre étaient autant de calames, et qu'à la mer s'ajoutaient sept autres mers pour en être l'encre. Les paroles d'Allah ne s'épuiseraient point, car Allah est tout-puissant et sage. « Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahida. Inna Allaha sami'un basir. » Votre création et votre résurrection sont aussi aisés que celles d'une seule âme. Allah entend tout et voit tout. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Ne vois-tu pas qu'Allah fait entrer la nuit dans le jour, et qu'il fait entrer le jour dans la nuit, qu'il a soumis le soleil et la lune, tous les deux poursuivant leur course vers un terme déjà nommé, et qu'Allah est, de tout ce que vous faites, parfaitement informé. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Cela parce qu'Allah est la vérité, que ce qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que mensonge, et qu'Allah est le très haut, le très grand. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Ne vois-tu pas que les vaisseaux voguent en haute mer par la grâce d'Allah, qui veut vous montrer certains de ses prodiges? Il y a certes là des signes pour tout homme patient à la peine et reconnaissant. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. Une vague les envahit-elle, aussi noire que l'ombre, que les voilà à implorer Allah et à l'invoquer en lui vouant un culte sincère. Mais quand il les ramène sains et saufs à la terre ferme, certains d'entre eux se montrent moins zélés. Seul méconnaît nos signes, le traître plein d'ingratitude. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. Ô homme, craignez votre Seigneur. Redoutez un jour où le père ne pourra racheter son enfant, ni l'enfant racheter son père. La promesse d'Allah est pure vérité. Que la vie en ce bas monde ne vous séduise pas. Et que ne vous abuse point au sujet d'Allah, Satan le suborneur. Inna Allah 'indahu 'ilmu as-sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Allah détient la science de l'heure. C'est lui qui fait descendre la pluie bénéfique et sait ce qu'il y a dans les matrices. Nulle âme ne sait ce qu'elle pourra acquérir demain et nulle âme ne sait en quelle terre elle mourra. Allah est certes omniscient et parfaitement informé.